Bienvenue à vous, suivez le guide est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Vaucluse, pour deux émissions. Nous sommes à une trentaine de kilomètres au nord d'Avignon, à Orange. Orange, la cité des princes. La position d'Orange, un carrefour de passage vers le nord, l'Espagne ou l'Italie, au cœur d'une région agricole, en a fait un emplacement de choix pour les Romains, d'où la présence de nombreux vestiges. D'ailleurs, plusieurs monuments d'Orange sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le théâtre antique et ses abords et l'Arc de Triomphe tout à fait unique. Nous sommes au cœur d'une région viticole, à 10 km seulement de Châteauneuf-du-Pape. En 1869 sont créées au théâtre antique les Corégies, qui, depuis 1971, sont tournées vers l'opéra et la musique classique. Citons deux personnalités orangeoises de naissance, l'écrivain Jean Echenoz, prix Goncourt 1999 pour Je m'en vais, je m'en vais, et le pianiste de jazz Michel Petrucciani. Nous retrouverons dans cette seconde moitié d'Orange, mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller ? Rose Papalia, notre guide conférencière avec qui nous avons évoqué le théâtre antique dans l'émission précédente, pour découvrir l'Arc de Triomphe, érigé au début du 1er siècle. Xavier Legrand est bien connu à Orange, installé à quelques mètres du théâtre antique, bien connu pour ses chocolats et ses glaces, agitateur de saveurs comme il se définit. Et pour commencer ce second Suivez le Guide à Orange, nous serons dans l'ambiance des Corégies et plus précisément de la Générale d'Aïda, au programme en août 2017 avec le directeur de production des Corégies. Nous sommes donc ce soir dans le magnifique théâtre antique d'Orange pour une représentation exceptionnelle de l'œuvre de Giuseppe Verdi, Aïda. La mise en scène, Paul-Émile Fourny. Très beau spectacle en compagnie de Verdi et d'Aïda. On s'est assis dans ce théâtre antique, Paulin Reynard, vous êtes directeur de production. Oui, exactement. Des Corégies. Alors, juste avant de parler des Corégies et de ce rendez-vous annuel à Orange, un petit mot de votre boulot, directeur de production. Écoutez, mon travail consiste finalement à mettre en œuvre et à faire du mieux possible pour que les décisions prises par le directeur des Corégies d'Orange, Jean-Louis Grenda, donc je mets en œuvre ce qu'il a décidé de programmer, que ce soit sur le plan artistique et puis sur le plan logistique. Je suis notamment responsable du planning, ce qui n'est pas rien dans ce lieu, dans le cadre d'un festival où nous avons beaucoup d'activités, beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles dans une période assez courte, et je m'occupe de tout l'aspect logistique des artistes, que ce soit des artistes solistes ou des ensembles, des masses artistiques invitées, les orchestres, les chœurs, les figurants, le ballet comme dans Aïda, etc., etc. Ouais. Et j'ai une deuxième partie de mon travail qui consiste à gérer toute la partie des actions culturelles et donc notamment le projet pédagogique. Alors pour vous, c'est un travail toute l'année, les Corégies ou... Pour nous, c'est un travail toute l'année, effectivement. Alors c'est vrai que quand on vient visible, ici à Orange, on voit 8000 personnes dans le théâtre antique. Oui. On a du mal à s'imaginer le nombre de personnes qui travaillent ici à l'année. Mais nous sommes quand même une petite équipe de 6 personnes, 6 permanents, qui travaillons donc juste à côté du théâtre antique à mettre en œuvre tout l'été, tout le festival qui vient. Alors 6 permanents toute l'année, et ça monte à combien pendant les Corégies? Écoutez, les chiffres gonflent très vite si on tient en compte et on prend en considération tous les techniciens qui ont fabriqué le décor, les gens des ateliers de costumes qui ont cousu, qui ont préparé tout cela. On arrive facilement à 4, 5, 600 personnes pour la préparation des Corégies. Alors pour deux représentations, alors il y a d'autres spectacles, mais les opéras, moi ça m'avait surpris, je pensais qu'on jouait tous les soirs, mais pas du tout. On est focalisé sur deux représentations. Exactement, on est focalisé sur deux représentations parce qu'il faut, il faut que les artistes puissent prendre un petit peu de repos entre chaque représentation d'opéra. Vous savez, un artiste lyrique, soliste, c'est comme un sportif de haut niveau. On ne peut pas lui demander de courir le 300 mètres et d'être champion olympique, médaille d'or tous les soirs. Ils ont besoin d'un petit peu de repos, le rythme est déjà intense ici dans la préparation. Donc on joue ici à Orange deux représentations publiques qui sont séparés de plusieurs jours d'intervalle. Vous savez qu'ici à Orange, on est obligé de considérer des jours de report dans l'hypothèse où il ferait mauvais temps, où la pluie viendrait à interrompre le spectacle. Et nous jouons des concerts lyriques et des concerts symphoniques en one shot, une seule fois. Voilà, donc ça nous fait un été quand même assez, assez rythmé au gré des spectacles. Si on veut venir assister à un concert à Orange, on ne prévoit pas une soirée, mais il faut toujours prévoir au moins deux soirées. Lorsque l'on vient voir l'opéra, oui, exactement, oui. Parce qu'évidemment, la météo, on ne peut pas la décider à l'avance, et voire même, elle nous surprend au fur et à mesure des soirées. Ce soir, c'est la générale Daïda, il va faire beau. Mais que se passe-t-il si la pluie s'invite, même si elle n'est pas la bienvenue, mais enfin, mais si elle s'invite en cours de représentation? Écoutez, c'est toujours un risque que nous avons et que nous prenons, puisque nous n'avons pas le choix, nous ne maîtrisons absolument pas. Nous avons la chance de travailler avec des météorologues qui peuvent nous donner les informations d'une manière assez précise en temps direct, ce qui n'est pas un luxe, justement pour en profiter. Et si jamais la pluie s'invite en cours de représentation ou de répétition, eh bien nous mettons de côté le temps que la pluie cesse. L'orchestre, ce sont évidemment les premiers à s'arrêter, puisque évidemment ce sont les premiers exposés à la pluie. La fosse d'orchestre n'est pas du tout protégée. Vous imaginez les oui, violonistes notamment qui ont des instruments, qui ont des valeurs. La harpe par exemple qui est devant nous. Exactement, l'harpe. C'est pas la plus facile à transporter. Pas du tout. Ou le premier violon par exemple, qui est un instrument qui vaut certainement plusieurs centaines de milliers d'euros, ne souhaite pas que ceux-ci prennent la pluie. Donc il est vrai que lorsque la pluie arrive, on se met tous à l'abri et on attend les nouvelles informations pour savoir si l'on peut continuer ou pas, si la pluie va cesser dans quelques minutes ou pas. Voilà. Et si elle ne cesse pas, que se passe-t-il? Il y a un report à ce moment-là? Si elle ne cesse pas, en fonction du moment où nous en sommes du spectacle, le report du spectacle le lendemain est décidé. Et donc le lendemain, nous recommençons le spectacle. Évidemment, au début, on ne va pas le reprendre là où c'était arrêté. à la phrase près. Exactement, au mot près, à la phrase près, l'accord pris. Voilà. Mais bon, on est à Orange quand même. Je suis persuadé que ça n'arrive pas très souvent, non? Non, ça n'arrive pas très souvent, mais vous savez, il ne faut jamais le dire puisqu'on est toujours surpris avec la météo. Et on se pare toujours à cette éventualité-là, et je tiens à souligner le travail du coup que cela implique pour l'ensemble des équipes artistiques, bien sûr, mais surtout pour notre équipe technique, que d'être prête à affronter la pluie et donc à ranger à la fois l'ensemble du matériel, à ranger l'ensemble des décors, et également à tout notre personnel de salle, puisqu'en cas de pluie, il faut évacuer 8000 personnes dans le calme, ce qui n'est pas dans le cadre de notre théâtre antique romain bâti il y a plus de 2000 ans, une mince affaire, puisqu'évidemment les normes européennes de 2017 oui, n'existaient pas. Effectivement. Ben justement, quels sont les avantages et les, diriez-vous, et les inconvénients de jouer un opéra dans ce théâtre antique d'Orange? Écoutez, lorsque l'on rentre dans ce théâtre antique d'Orange, lorsque l'on est assis au milieu de 8300 personnes, on a un sentiment immense d'humilité et à la fois de grandeur du lieu, mais à la fois de petitesse de l'être humain, de petitesse des personnes que nous sommes, et la grandeur de l'histoire. Ce théâtre a vu défiler 2000 ans devant lui. Nous ne faisons que passer. Dans 2000 ans, il y en aura d'autres. Ce mur est intégralement conservé comme lorsqu'il a été construit, à quelques couleurs près et plaques de marbre. C'est le théâtre le mieux conservé d'Europe, je pense, ne pas dire de bêtises. Donc on a ce sentiment-là, évidemment, de surprise et d'une grande émotion. Ce qui est évidemment difficile, c'est que nous sommes donc à l'extérieur. Nous avons un emploi du temps adapté. Par exemple, nous répétons qu'à partir de 17h30, puisque nous sommes avant en plein soleil, que nous ne pouvons pas travailler en plein soleil, et nous réglons les lumières de minuit à 4h du matin tous les soirs pour avoir évidemment la nuit. Nous ne pouvons pas travailler dans la journée, il fait trop chaud, et nos équipes techniques, pour revenir à elles, montent les décors par exemple en journée. Il faut savoir que souvent les décors que le public voit, que nous avons devant les yeux, ce faux marbre, c'est une structure métallique, un échafaudage qui est dessous, et que la ferraille monte facilement à 60-70 degrés en journée, donc ce sont des conditions quand même assez difficiles pour cela, pour le montage des décors. Thank you. Qui est ce garçon qui nous regarde là tout en haut? À ce garçon tout là-haut, l'histoire raconte qu'il s'agit de l'empereur Auguste, premier empereur romain après César, qui a décidé de la construction du théâtre antique. Alors cette statue n'était pas là évidemment à l'époque, elle a été retrouvée un petit peu en faisant des fouilles dans le théâtre et elle a été installée là-haut. Et elle est immense, puisque ce mur mesure 38 mètres de haut. On a du mal à s'imaginer, mais cette statue avec son pied mesure pas loin de 5 mètres. Ah oui, carrément. Et il salue le public qui est venu assister au Corrigidor. Il salue le public orangeois, exactement. Ce soir de général, le public orangeois est dans la salle et donc il salue son peuple. Le nom Corrigie est lié au chœur. Le nom Corrigie, oui, évidemment, du grec Corège, Coréus, maître des chœurs ensemble. Et c'est la volonté de Jean-Louis Grenda dans ses choix artistiques pour cette année, déjà 2017, année que nous achevons, que nous continuons, et pour les années à venir, que de mettre des chœurs ensemble, notamment dans le cadre du projet pédagogique Pops et Opéra. Nous avons réuni cette année, nous réunirons à nouveau l'année prochaine plus de 600 collégiens et lycéens sur la scène du théâtre antique pour un répertoire allant des grands chœurs d'opéra à la musique pop, à la musique de film. Donc c'est vrai que ce nom de Corrigie d'Orange, évidemment, a toute une histoire ici dans la musique et dans le fait de chanter ensemble. Alors les Corrigies d'Orange, le théâtre antique, on les voit, pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus ou qui ne peuvent pas venir à Orange, on les voit quand même régulièrement à la télévision. Hein. Oui, bien sûr. Un gros partenariat. C'est un partenariat de grande qualité que nous avons avec France Télévisions, notamment avec France 3 et Pascal Douporidis, avec qui nous travaillons sur Musiques en Fête, qui a capté et diffusé en direct Rigoletto le 11 juillet dernier, ainsi que la 9e symphonie de Beethoven que nous avons donnée il y a quelques jours. Nous avons cette Aïda, dont nous sommes en général, qui sera retransmise, elle, en différé le 9 août sur France 5. Donc nous avons un partenariat important avec France Télé et un partenariat également avec France Musique, puisque l'intégralité des spectacles de l'édition 2017 sont ou ont été enregistrés et diffusés en direct ou en différé sur les ondes de France Musique. Roberto Alagna était sur la scène du théâtre antique d'Orange dans Aïda en 2006. Ce soir de général, ce sont des Orangeois. Oui, en majorité, ce sont des gens d'Orange qui ont droit à venir assister et à profiter du spectacle dans le cadre de ce théâtre antique qui leur est évidemment autant qu'à nous si cher et qui représente une partie importante de leur histoire. Et après, on sait à peu près d'une année à l'autre d'où vient le public ? On a des études régulièrement, on sait que nous avons une grande partie de notre public qui vient de France bien sûr, mais qui vient de l'international. On a des Américains, on a des Russes, des Chinois, des Japonais, beaucoup. On a évidemment tous les pays méditerranéens autour de nous, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal, etc. On a un public assez international. C'est ce qui fait, je crois, le prestige et la renommée des Corrigies, d'avoir cette chance d'avoir du public qui vient du monde entier. Avant les Corrigies, il y avait les fêtes romaines ? Oui, complètement. Les fêtes romaines, alors qui étaient dédiées plutôt aux jeux, plutôt qu'à la musique même. On les jeux avec jeux des animaux. Avec... Oui, exactement. Et ça a été la volonté C'était au 19e siècle. Au 19e siècle, exactement. C'est la renaissance vraiment de ce théâtre antique. Ah oui, la renaissance de ce théâtre antique. Il faut savoir que ce théâtre antique, il a été, au cours de ces trois derniers siècles, il a été complètement utilisé et détourné, puisque des habitations des Orangeois avaient bâti leur maison dans l'enceinte même de ce théâtre antique. Les trous que nous voyons dans le mur sont ces carrés, sont des trous ou des poutres et avaient été fixés pour faire des étages. Et c'est Prosper Mérimée, lorsqu'il était inspecteur des bâtiments de France, qui a décidé de la remise... L'auteur de Carmen aussi. Exactement, hein. L'auteur de Carmen, bien sûr, que nous avons joué ici en 2015 avec le célèbre Jonas Kaufmann, avec un succès fou, qui a décidé, donc Prosper Mérimée, de se battre pour la restauration du théâtre antique et lui redonner, évidemment, ses ors, ses couleurs. Et donc, en 1871, sont nées ces Corrigies, puis, un petit peu plus tard, les nouvelles Corrigies, dont nous fêterons, en 2019, le 150e anniversaire. Ouais, j'ai lu aussi qu'il y avait une époque où c'était davantage axé vers le théâtre. La Comédie Française venait régulièrement ici. Oui, la Comédie ici. Française a beaucoup joué, a beaucoup foulé ses planches au début du XXe siècle notamment. Nous avons en 2011 joué Andromaque sur cette scène avec la Comédie Française justement pour fêter les 40 ans des nouvelles Corrigies. dans une mise en scène de Muriel Mayette qui avait fait une très belle prestation de cet ouvrage Andromaque. Et c'est vrai que nous sommes plus dans la musique lyrique, évidemment l'opéra et puis la musique symphonique. Grande voix, enfin régulièrement, on leur propose de venir chanter dans le cadre des chorégies. Mais elles-mêmes, ces grandes voix sont demandeuses aussi. Oui, je crois que chanter aux chorégies d'Orange pour un artiste, c'est bien entendu le plaisir de se retrouver dans ce cadre prestigieux du Théâtre Antique d'Orange. C'est aussi un danger parce qu'il faut assumer les dimensions exceptionnelles du lieu, il faut assumer le Mistral, il faut assumer les conditions météo. Mais c'est vrai que chanter aux chorégies d'Orange, eh bien, je pense que c'est un prestige dont les artistes ne se privent pas et puis ont plaisir à se retrouver entre eux, les plus grandes stars du milieu de l'opéra, Marcelo Alvarez, Anita Rachvidichvili, pour ne citer que ce soir sur Aïda, qui vont côtoyer la jeune Elena O'Connor qui chantera pour la première fois ici à Orange, mais pour la première fois dans sa vie, le rôle titre d'Aïda, ou aux côtés d'autres artistes tout autant talentueux, plus ou moins vieux dans le milieu de l'art lyrique, Nicolas Courjal, Rémi Mathieu, Queen Kelsey, qui se côtoient tous ensemble et qui ont plaisir à se retrouver pendant une période finalement assez courte, mais très intense. Il y a combien de temps de répétition avant On est sur moins de trois semaines de travail, donc c'est vraiment très court. Les soirs de Mistral, disiez-vous, mais là, il n'y en a pas. Bon. Ce soir, on est tranquille, les conditions sont idéales. Mais quand il y en a, c'est comment ? Quand il y en a, on peut avoir froid, on peut avoir très froid. C'est-à-dire que les gens me prennent toujours pour un fou quand ils rentrent dans mon bureau, lorsqu'ils voient mes lunettes de soleil et une bouteille d'eau posées à côté de mon manteau et de mon écharpe. Il faut savoir qu'en journée, il peut faire 50 degrés dans le Théâtre Antique et qu'à 3h du matin, lorsque nous réglons les lumières, il peut y avoir 100 km de Mistral et un ressenti de moins de 18 degrés. Donc il peut faire très froid. Moi, j'ai souvenir d'un concert ici en 2011 avec Juan Diego Flores et Nathalie Dessé, où j'étais avec ma maman et nous étions sortis à l'entracte dans un magasin qui vendait nappes en face au Théâtre Antique, acheter une nappe pour nous enrouler dedans tellement nous avions froid. Donc il peut faire très froid en cas de Mistral. Et les artistes, graver la température. En 2013, pour le projet pédagogique, nous avions joué le 1er juin sur la scène du théâtre. Nous avions fait livrer des braseros dans la fosse d'orchestre pour que les musiciens puissent jouer et n'aient pas trop froid. Donc les conditions météo sont quand même assez exceptionnelles à Orange. Quand il fait beau, tout va bien. Quand il commence à faire froid ou du vent, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Vous ressentez quoi là quand vous regardez à la fois, bon, ça se prépare, la générale dans une demi-heure, la scène, la fosse d'orchestre, donc les musiciens, le public qui s'installe, la nuit qui va tomber doucement. Écoutez, un immense sentiment évidemment de fierté de travailler dans ce cadre-là, de travailler pour ce festival-là et de travailler pour ce spectacle-là. Vous savez, on a plus de 300 artistes là qui sont sur scène devant les spectateurs qui s'installent. On est évidemment très heureux de pouvoir travailler pour tout cet ensemble-là. Et il y a un sentiment tout à fait bouleversant lorsque l'on pense que nous sommes 8000 ici maintenant et que dans 30 minutes, tous ces gens-là vont arrêter de parler, la lumière va s'éteindre, le chef d'orchestre va rentrer et avant que les applaudissements ne commencent, il y aura quelques secondes de silence absolu où 8000 perdus vont être tournés vers le chef d'orchestre qui est rentré. Ce moment-là est toujours un moment absolument intense puisqu'on se dit là, maintenant, on est tous reliés pour la même chose que vive la musique. Ah, c'est beau, c'est une belle conclusion. Je vais revenir à juste une toute dernière question, une remarque très pratico-pratique. Je vois toutes ces personnes qui ont apporté des coussins. Moi, j'en ai pas, je vais souffrir. Écoutez, vous écrirez au service des réclamations de l'Empire romain de l'an 0, qui n'avait pas forcément prévu une installation confortable dans les gradins. Donc c'est vrai que le public orangeois le sait, le public apporte ses fauteuils, bien que cette année, pour la première fois dans l'histoire des chorégies, nous avons mis en place un carré or pour toutes les places de première série de face. Que nous dotons d'un coussin de face. Ah, oui. Que nous dotons d'un coussin justement de pour les fesses plus ou moins sensibles. Merci beaucoup. Merci à vous. changement de quartier d'Orange. Suite de ce second Suivez le guide orangeois, nous quittons le théâtre antique et la Générale d'Aïda pour rejoindre notre guide passionné, incollable sur la Cité des Princes, Rose Papalia, au pied de l'Arc de Triomphe. Alors, je suis persuadé, Rose, qu'on pourrait passer avec vous plusieurs heures à l'endroit où nous sommes. Je vous ai regardé avec un groupe de personnes que vous avez guidées ici et vous leur avez parlé de l'Arc de Triomphe en y passant du temps. Vous avez une passion pour cet Arc de Triomphe ? Oui. Cet arc, en fait, c'est un grand livre ouvert sur la période grand-mère. Il y a à lire. Et tous les jours, on y découvre un petit détail. Bon, il a fait l'objet d'une restauration. Tout à fait. On voit que c'est assez récent. Oui, c'est récent. En 2010, il a été complètement restauré. Il faut vous l'imaginer. Là, vous avez cette belle pierre blanche dorée. On voit très bien les sculptures qui apparaissent de façon comme si elles venaient d'être sculptées. Mais en 2010, il était tout noir. Il était encrassé, les pierres commençaient à tomber déjà, elles se retransformaient en sable, il y avait des infiltrations d'eau. Il fallait vraiment le sauver, il ne faut pas oublier qu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, et à ce titre, on se doit de le protéger pour l'amener aux générations futures, pour être un témoignage de ce que nous a apporté, de ce qu'a été cette période romaine. C'est un arc qui est assez particulier dans le monde romain. C'est un arc qui est assez massif. Il a 3 baies, ce qui est très rare dans le monde romain. Généralement, c'est une baie centrale ou 2 baies. Hein. Mais 3 baies, c'est assez rare. Et surtout, ce qui est rare, c'est le dernier attique. Vous voyez le dernier étage où vous avez cette sculpture en relief qui reprend le combat, surtout ce côté sud. C'est un combat entre Romains, Gaulois et Germains. Vous voyez, c'est un combat en 3 dimensions. On est dans le cœur de la bataille. On a des corps par terre, des coups de glaive. Le scénario est simple. Hein. Les Romains sont les vainqueurs. Ils sont debout, ils sont à cheval. Les vaincus, les Gaulois et les Germains sont par terre. Ils sont nus. Ils n'ont pas la civilisation. Bien sûr, la puissance romaine ici écrase tout. Elle est magnifiée. Vous avez, très rare, ce deuxième attique avec ses podiums. Ce deuxième attique, on appelle ça des attiques. Vous voyez, voilà, c'est ces espèces d'étages qui se trouvent au-dessus des frontons. Et le deuxième attique, vous voyez, il y a des podiums, on appelle ça des podiums. Et vous devez vous imaginer probablement à la période de sa construction des statues d'angles, et au milieu probablement un char tiré par 2 ou 3 ou 4 chevaux, probablement c'était un quadrige, avec soit un dieu, soit un empereur au sommet. Vous voyez une pierre nue, mais vous devez vous l'imaginer recouverte de décorations de bronze. Alors, il y a plusieurs petits trous qui ont été bouchés au-dessus du fronton, vous voyez. Et là, probablement, vous avez des écoinçons en bronze. Des décorations en bronze, d'accord. Probablement, soit des victoires, soit on reprend ce motif militaire, puisque ce sont surtout des sculptures qui reprennent des motifs militaires, hein, terrestres, bataille terrestre, avec ce trophée d'armes au-dessus de la petite baie, où on a des boucliers, des glaives, des faisceaux, des enseignes, des carnix. Les carnix, vous voyez, ce sont ces trompettes avec ces têtes de dragon. Ce sont des cornes de brume que l'on utilisait pendant les batailles. Vous voyez ce petit sanglier, en fait, c'est une enseigne. Ça symbolise les armées gauloises. C'est une sculpture qui est faite en 4 dimensions, si vous voulez. Elle est faite de telle façon que les gens, n'oubliez pas que ce sont les voyageurs, ce sont les commerçants qui empruntent cette voie Agrippa qui vient de Lyon. Ces voyageurs pouvaient voir ces trophées du sol. C'est vrai, sur cette partie sud, c'est la partie la plus abîmée de l'arc, probablement due au vent du sud. La partie nord est beaucoup mieux conservée. Oui. Rose, vous, bien sûr, vous pouvez aller les quatre côtés. Mais on va pas détailler les quatre côtés. Faut venir. Bien sûr. Mais j'ai une question à l'époque. Donc, alors, cet arc a été construit au 1er siècle, c'est ça? En fait, ce n'est pas une question anodine. Ah bon? Probablement, cet arc a effectivement été construit au début du 1er siècle. Par contre, il a été dédicacé dans un deuxième temps à l'empereur Tibère en 26-27 après Jésus-Christ. Donc on suppose qu'il y a eu, entre cette dédicace et la création de l'arc, une vie que l'on ne connaît pas. Ah oui. Voilà. Alors, est-ce que cet arc a été construit par les vétérans? Pour les vétérans, pour la cité? Ou est-ce que cet arc a été construit pour un empereur? L'empereur Tibère? Ou peut-être le généralissime Germanicus? Germanicus était le fils adoptif de Tibère. C'était quelqu'un qui était aimé de la population. C'était quelqu'un qui avait brillamment combattu en Germanie, justement. Et à sa mort, des arcs ont été construits en son honneur. Et on suppose que les légionnaires qui vivaient dans cette cité ont combattu à côté de Germanicus, et peut-être que cet arc a été construit à sa mémoire et que dans un deuxième temps il a été attribué à Tibère, ou peut-être que Tibère a redonné la colonie voilà, peut-être, on ne sait pas. Il y a une grande question par rapport à la dédicace et à la construction de cet arc. C'est pour ça que votre question finalement n'est pas anodine, elle est un peu compliquée. Et sous cet arc, donc, si on revient à l'époque romaine, ces voyageurs passaient sous l'arc, effectivement. Oui. Mais Rose, vous n'étiez pas là à l'époque. Alors, y avait-il des roses à l'époque pour expliquer, ou eux-mêmes, les voyageurs, avaient-ils des clés pour lire toutes ces sculptures? Alors, tout à fait. En fait, ces sculptures reprennent quand même un motif que l'on retrouve dans tout l'Empire romain. Effectivement, on n'a rien inventé à Orange, même si on pense que les sculpteurs qui sont venus faire ces belles sculptures à Orange ont fait un excellent travail sur place. Mais c'était codifié. Ils sont venus probablement avec des motifs qui existaient déjà à Rome. Bien sûr, sur cet arc, on magnifie la grandeur, la puissance de Rome sur terre, sur mer, mais aussi sur ce monde un peu mythologique. C'est ce qu'on voit sur le côté est, où on a une sirène, un trident, on a probablement un Apollon sur la petite voûte au-dessus de la corniche. Donc la puissance, bien sûr, c'était la puissance de l'Empire romain qui était magnifiée, et effectivement ces personnes avaient déjà une clé de lecture. Mais ils savaient quand même qu'en rentrant dans cette cité d'Arosio, ils rentraient dans une cité où il y avait des citoyens qui avaient probablement participé à la construction de ce grand empire. Terminons l'évocation de l'arc antique d'Orange au pied de l'arc avec Rose Papalia, qui nous détaille les campagnes, non pas guerrières, mais les campagnes de restauration. C'est au 19e siècle qu'on va le... Alors, il y a une restauration plus récente, mais qu'on va... Il était dans quel état avant qu'on s'en occupe? Justement, on est au 12e siècle, 12e, 13e siècle. Cet arc, en fait, a survécu grâce au fait que ces princes d'Orange ont décidé de le transformer en poste avancé de défense. On va creuser des fossés autour... On renforce l'arc, les bases de l'arc, et on va le surélever de 10 mètres, on va le créneler À l'intérieur, il y a des salles. Ces salles vont être aménagées. Il y a des habitations qui vont être annexées à cet édifice. Et lorsqu'il y avait une attaque, les princes pouvaient venir se réfugier à l'intérieur de cet arc. Là, à l'intérieur, là, comme oui, ça. Vous avez trois salles. Il y a des salles. Oui. Dans lesquelles on peut toujours accéder. Tout à fait. On y accède par une porte que Auguste Carissi a retravaillée au moment de la restauration de l'arc. Mais on a pu, lors de la restauration en 1910 de l'Arc de Triomphe, grâce aux échafaudages, on a pu rentrer dans ces pièces. Vous y êtes entré, vous ? J'ai eu cette chance, ah, oui. Effectivement. Elles sont très grandes. On voit des pierres qui étaient aménagées. Il y avait carrément une chapelle. Vous avez une échelle qui vous permet de monter sur le toit, parce qu'il y a un toit, il y a une trappe. Oui, effectivement, lorsque on a récupéré cet arc, par contre, il a été abandonné au 15e, 16e siècle. Il perd cette fonction de poste de défense. Il va avoir plusieurs vies. Il va devenir le terrain de jeu des compagnies d'arquebusiers et de ces soldats qui maniaient l'arbalète. On va y installer tout en haut un oiseau en bois ou en fer qu'on appelle le papagaï. Et le jeu, c'était de perroquet. Faire tomber, voilà, c'était de faire tomber cet oiseau. Celui qui était vainqueur devenait le roi durant une année, il devenait le roi du papagaï. Donc il y avait une procession en ville, bien sûr, c'était la jeunesse qui menait cette procession. Puis on va être un peu laissé à l'abandon, il va même être servir de poudrerie. Et puis pareil, toujours Prosper Mérimée qui vient chez nous, qui vient à Orange et qui incite la population à prendre soin de ce monument. On fait appel à Monsieur Auguste Caristi. Son rôle, ça va être de rendre l'aspect originel à cet arc. Donc il va démolir le donjon qui avait été installé par les princes des Beaux. Il va débarrasser l'arc, il va restaurer certaines parties, mais il ne va surtout pas refaire les sculptures. Il va laisser l'arc dans l'état. En 1950, il va y avoir une deuxième campagne de sculpture. On va consolider l'arc, mais on a l'idée de refaire certaines moulures et certaines sculptures pour redonner une lisibilité à ces hauts reliefs. Maintenant, on ne le ferait pas. On laisserait les choses en état, ou alors on montrerait vraiment les endroits qui ont été repris. C'était une autre façon d'envisager la restauration. C'est le prince d'Orange, tôt matin s'est levé, est allé voir son page, vaceller mon coursier, que maudit soit la guerre, vaceller mon coursier. Est allé voir son page, vaceller mon coursier, mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller, que maudit soit la guerre, où voulez-vous. Et puis, dernière campagne, voilà, la campagne récente. De 2010. Là, on a vraiment nettoyé l'arc. Je sais qu'à la radio, on ne peut pas montrer d'images. On peut chercher sur Internet, peut-être on trouve des voilà, images. Regardez, juste pour vous montrer l'état de l'arc en 2010. Ah oui, il était bien gris. Hein. Donc, il était gris, noir. Il y avait des coulures, bien sûr, les pigeons avec leur caca abîment les pierres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'attaquer la restauration de 2010, on a analysé les pierres pour trouver les bons liants pour pouvoir restaurer ces pierres, parce que la pierre est vivante. On ne peut pas simplement mettre du ciment, sinon la pierre risquerait de mourir. Il faut utiliser de bonnes substances pour laisser la pierre continuer à respirer. C'est la difficulté de la restauration. C'est une restauration où on a utilisé beaucoup de douceur. Alors Monsieur Replin, qui a été l'architecte en chef et qui s'est occupé de cette restauration, nous a expliqué qu'on a utilisé pour nettoyer ces croûtes noires un laser, mais vraiment quelque chose de très doux. On a fait un gommage, comme pour les femmes, vous savez, nous on utilise de la poudre d'abricot pour nettoyer la peau. Eh bien, on a fait la même chose avec ces pierres. On a nettoyé, on a fait un gommage léger au niveau des pierres. Alors, il y a une chose extraordinaire. Alors, j'ai été bluffée lorsqu'on m'a raconté ça. Lorsqu'on a analysé la pierre, on a retrouvé énormément de sel sur ce monument. On a nettoyé le sel grâce à de l'eau déminéralisée et on y a été au coton et au buvard. Un travail sur un édifice de cette voilà, taille-là. Exactement. Mais alors vraiment, cette restauration a été vraiment une aventure. Vraiment, tout le monde a pris soin de ce monument. Certes, il y a de belles sculptures, il y a de belles corniches, mais déjà à l'époque romaine, ces corniches servaient à protéger les sculptures. Vous voyez, on a mis des parapluies de plomb pour protéger les corniches qui vont elles-mêmes protéger les sculptures. À l'époque romaine, il y avait une évacuation des eaux qui existait. Cette évacuation était bouchée. On a refait l'évacuation d'eau. On a réutilisé le même collecteur que l'on a branché au collecteur de la ville. On a réaménagé l'environnement aussi de l'arc. Là, c'est même en cours quand on voilà, se rencontre Rose. Voilà, parce que si vous regardez la chaussée est beaucoup plus haute que la base de l'arc. Et en fait, quand il pleut, ça fait une cuvette et l'eau, par capillarité, abîme le fondement, le socle de l'arc. Il fallait mettre hors d'eau l'arc. Mm-hmm. J'en parlerai des heures. j'ai l'impression, Rose, vous êtes intarissable. Je sais ce que je disais. Vous êtes intarissable sur l'arc de triomphe d'Orange. Voilà, ben j'invite tout le monde à venir le voir parce que c'est un beau témoignage de cette période. On a la chance en France d'avoir encore ce type de monument. Alors moi, ce qui me crève le cœur, c'est que lorsque j'explique aux gens, voilà, à Orange, vous avez de grands monuments, le théâtre et l'arc antique. Ah oui, oui, c'est vrai, on y est passé en voiture. Et là, je vous assure, j'ai un crève-cœur. Je voudrais vraiment que les gens prennent le temps de s'arrêter. D'ailleurs, il y a de nouveaux parkings qui vont être aménagés. Et de prendre le temps et de tourner autour de cet arc et d'essayer mais de si comprendre. Si on tourne avec vous, c'est beaucoup mieux. Voilà, bien sûr, avec un guide. Mais je veux dire, les sculptures ont été quand même bien nettoyées. Clairement, et disons-le, Rose, passer en voiture, que ce soit et devant le théâtre antique et autour de l'arc, ça compte pas. Voilà, voilà. Surtout, ça compte pas. Arrêtez-vous, il faut vraiment. Et puis l'été, généralement, on organise toujours des visites guidées de ces monuments. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir voir. C'est un patrimoine, hein, pas qu'un patrimoine orangeois. C'est le patrimoine non seulement de la France, de l'humanité, mais aussi tout de simplement. L'humanité, bien sûr. Et on comprend bien qu'on peut passer, on peut consacrer avec Rose une journée à l'Arc de Triomphe. Oui, oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Faire pince d'orange, tout matin s'est levé. Et aller voir son bâche, je vais sceller mon coursier. Que maudit soit la guerre, reste la guerre. Est allé voir son page, va sceller mon coursier. Mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Que maudit soit la guerre, où voulez-vous aller? Suite et fin de cette seconde moitié d'Orange. Suivez le guide et dans le Vaucluse. Paradoxalement, sa spécialité n'est pas le sorbet à l'orange. Rencontre avec un chocolatier glacier orangeois réputé et installé au pied du théâtre antique. Bonjour, je m'appelle Xavier Legrand, je suis chocolatier glacier artisan installé à Orange devant le théâtre antique. Voilà, Xavier, moi je lis hein, sur la façade... agitateur de saveurs. Alors ça, c'est pour laisser libre cours à mon imagination. J'ai associé ces deux termes un jour en me levant le matin et voilà. Et je trouve que ça colle bien à mon esprit. On peut difficilement, enfin je ne sais pas si on peut être mieux situé, mais difficilement à Orange puisque vous êtes juste à côté de l'attraction numéro 1 d'Orange, ce qui attire les visiteurs et les festivaliers pendant l'éco-régie, et donc le théâtre antique. Oui. Alors le théâtre antique, mis à part son esthétique qui est colossale, magnifique, développe une énergie pour moi qui est importante. Je me lasse pas en fait. Souvent on a des monuments, on passe devant, on fait plus attention. Tous les matins, je me régale de le voir et tous les soirs, je me régale de voir le soleil briller sur ces pierres magnifiques. Est-ce que vous réussissez à aller voir les spectacles d'éco-régie? Voilà, ça c'est le plus grand. En même temps, ce sont des grosses journées de travail, voilà, on se dit, pour vous. Beaucoup et non, je suis pas allé voir encore même une seule répétition. Depuis que vous êtes voilà, à Orange. Je le vis. Vous entendez? Alors hier, oui, avec Aïda, hier, on a entendu les chœurs magnifiques parce qu'ils jouent. Oui, ils sont dans l'arrière-scène. Voilà. Et ça, c'est de l'émotion, des frissons. Voilà. En plus, c'est une très belle interprétation. Donc, voilà. Alors, vous les entendiez d'autant mieux que la circulation était coupée. Il faut dire qu'ils ne pourraient pas chanter avec la circulation qu'à ce matin. C'est incroyable, on est en plein cœur d'Orange, mais une circulation, mais c'est pire que sur le périph à Paris, non ? C'est un axe, en fait, c'est un axe essentiel à Orange, parce qu'on a deux axes du nord au sud. Celui-ci est le boulevard d'Aladier, qui est la Nationale 7. On n'a pas de déviation extra-muraux à Orange. Enfin, c'est une grosse polémique depuis des années. Vous n'êtes pas Orange ? Non, je ne suis pas orangeois, je suis une pièce rapportée. Parfois, hier, une personne m'a dit orangé, donc orangeois de naissance. Je n'ai pas orangeois de naissance. Non, j'ai vécu à travers le continent, le monde même, j'ai fait le tour du monde. C'est ma quatrième affaire où je suis installé, dans le sud de la France, et l'opportunité m'a fait arriver à Orange. Donc, Et vous agitiez déjà des saveurs ailleurs ? Depuis tout petit. Depuis tout petit, c'est une chose... Moi, j'ai pas eu de problème d'orientation quand j'étais jeune, parce que déjà à 5 ans, je voulais être pâtissier. Donc ça, voilà. C'est votre premier métier ? Ouais, pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la pâtisserie. Alors, je fais de la pâtisserie glacée, quand même. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Mmh. Mais c'est moins important qu'on n'est pas dans une pâtisserie. On est chez un glacier, l'été, qui fait des gâteaux glacés. Et l'hiver, on est chez un chocolatier qui fait aussi des gâteaux glacés. Vous avez repris cette activité de glace. Alors, les glaces qu'on appelle... Non, ce ne sont pas les glaces qu'on appelle italiennes, mais ce sont des glaces italiennes. Comme en Italie. Parce que les glaces italiennes, en France, avec la machine... C'est des softs, on appelle ça. On appelle ça des softs. Dans tout le reste du monde, on appelle ça des glaces softs. Bon, quand on est enfant, on aime bien voir la glace sortir. Voilà, c'est l'attraction de la machine, parce que tous les enfants sont attirés par la technologie, les nouveautés, les choses qui tournent. C'est pour ça que les granitas marchent bien aussi. Mais, il y a de la couleur. Ouais. Voilà, il y a de la couleur. Mais alors, les glaces italiennes, comme on mange en Italie, quelle est leur spécificité ? En France, on a un petit peu un gros défaut, c'est qu'on surcharge un petit peu trop tout. On met de la crème, on met des œufs, on met beaucoup de choses, beaucoup trop de choses dans les glaces. Mais on élimine un petit peu le côté saveur des produits qu'on veut faire ressortir, comme la pistache. Si on met des œufs avec de la pistache, on casse le goût de la pistache. Voilà, c'est pour ça que la glace, je vous pose une question qui n'a rien à voir, pas spécifique à Orange, mais est-ce que la glace pistache, doit-elle être verte ? Non. Les pistaches sont vertes, mais quand on les broie, elles sont moins vertes que ce qu'on met comme couleur. Donc souvent, on met de la couleur un petit peu pour accentuer ce vert. On reparle des machines comme les machines à granita. Les enfants sont attirés par les couleurs, tout ce qui est flashy, tout ça. Et qui est le premier décideur pour acheter des glaces ? C'est les enfants. Donc il faut jouer entre ces deux-là, et c'est là où l'artisan intervient. C'est que on peut s'exprimer avec les yeux comme on a envie. Moi, je mets pas trop de couleurs dans mes glaces. Voilà, je suis pas très glace colorée. Couleur naturelle. On utilise des colorants, mais avec modération. On est dans une région où l'on produit bien sûr des fruits ici. Oui. Est-ce que vous utilisez les fruits de la région ? En partie, oui. Au maximum, alors les melons, j'achète pas les melons, j'achète des melons frais, qui viennent d'ici. Les fraises, quand c'est la saison, j'achète des fraises fraîches. Vous suivez les saisons ? J'essaie de suivre les saisons, ouais. Mais les abricots aussi, pour faire des glaces, j'achète des abricots aussi. Mais le reste, c'est des produits qui sont préparés. Alors mes produits glaciers sont une coopérative qui est dans la Drôme, qui traite des fruits pour les glaciers. Voilà, donc c'est avec eux que je travaille. Bon, déjà, vos glaces sont faites avec des vrais fruits. Oui. Quand on est glacier, a priori, elles sont faites avec des vrais fruits, mais il y a des marchands de glace qui n'utilisent pas des vrais fruits. On fait pas le même métier. Donc il y a une grosse polémique en ce moment. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me demandent « Est-ce que vous faites les glaces vous-même ?» Je dis oui. « Est-ce qu'elles sont artisanales ?» Je dis oui. Mais je dis surtout « Je les fais avec passion. » Parce que, c'est différent de... Vous savez, quand vous faites de la cuisine chez vous, que vous la partagez avec vos amis, elle a un autre goût que si vous achetiez chez un traiteur, même si c'est quelqu'un de qualité. Comme je dis souvent, on a les souvenirs des mousses au chocolat de notre grand-mère. En fait, on a le souvenir de son regard qui nous regarde manger la mousse au chocolat. Bon, et c'est ça, on est dans la Madeleine. Voilà, c'est la Madeleine de Proust, exactement. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. Dans vos glaces, vous intégrez des olives, parce qu'on est aussi dans une région dans laquelle il y a des champs d'oliviers. Hein. Oui, alors la glace à l'olive, c'est un petit peu, c'est pas le coup de buzz, mais je le fais un peu de temps en temps. En fait, c'est, je fais des olives confites dans le sucre, que j'incorpore dans une glace au chocolat, qui est un petit peu aussi biscuitée, avec un coulis d'agrumes. Donc c'est assez complexe, mais c'est plus pour le fun que pour... voilà. Mais c'est très sympa, je fais un chocolat à l'olive l'hiver, par contre, qui est très intéressant. Ouais, parce qu'il y a vraiment les glaces d'été, les glaces d'hiver. Il y a les glaces d'hiver. Et oui. Les sorbets d'été. Voilà, et puis les sorbets, ben les, quand il fait chaud, on vend plus de sorbets. Du miel de lavande, j'ai voulu. Oui, bon, j'essayais de noter ce qui faisait très région, quoi, très Provence. Voilà. De toute façon, le miel que j'utilise, c'est que du miel d'apiculteur local, du miel de proximité. Si avec je des sais abeilles pas d'où de ça proximité. Vient, voilà. Si je ne sais pas d'où ça vient, j'achète pas. Suivez le guide est à Orange. Fin de cette conversation glacée avec Xavier Legrand, enregistrée devant son commerce, Régal Tendance, au pied du Théâtre Antique. Quel est le top 3 y a-t-il un top 3 des parfums? Le top 1, c'est la curiosité des gens. Parce que les gens vous demandent toujours qu'est-ce que vous avez d'extraordinaire pour en venir à la vanille, chocolat, fraise, citron. Mais une bonne vanille, attention. Voilà, hein. Oui. Voilà. Alors, la vanille, c'est un grand problème cette année, comme la pistache, il n'y en a pas. Donc elle est hors de prix. Et bon, alors la vanille, c'est un autre. C'est ça, problème. Vanille cœur d'olive, c'est ça? Avec, ah ouais, ça aussi, ouais. Vanille cœur d'olive, olive noire. Voilà. Ouais. Ouais. Mais la vanille, j'utilise que de la vanille gousse par contre. C'est pour ça que je le marque cette année. J'ai toujours utilisé que de la vanille gousse, mais comme il n'y en a plus, eh bien, il faut la valoriser. Il n'y en a plus à Madagascar? Ah, c'est une catastrophe. Ah oui. Ouais. C'est une catastrophe. Alors, c'est de la spéculation surtout. Ouais, ça peut monter. Hein. C'est, voilà, le kilo, c'est... Ah ben là, on est à 900 euros le kilo. 900 euros le kilo. Il y a 3 ans, je payais 60 euros encore. Ouf. Donc la vanille, il faut apprendre à la déguster. Bon alors, top 1, on a dit la curiosité. Ensuite, voilà. Après, ça reste les produits, tout ce qui est à base de chocolat, les bases de fruits frais ou les bases de... Voilà. Alors, le produit qu'on vend le plus, c'est la vanille, chocolat, ouais. Fraise, mais, citron. Mais alors, ici, la glace à l'orange. Ah non, la glace à l'orange. À orange. Non, à l'orange, la glace à l'orange. Alors, j'ai fait une très bonne glace et j'en ai plus. Avec des oranges amères, je fais une marmelade d'oranges amères et que j'ai agrémenté avec une glace avec une pointe de whisky dedans que j'ai appelée balade irlandaise. Mmh. Qui n'a rien à voir avec orange, mais c'est pour parler des oranges. Mandarine, ça peut être bon aussi, une sorbet mandarine. Ouais. Mandarine, oui. Je ne fais pas trop, c'est pas un produit. Non, à orange, voilà. Non, on met pas en avant là. Ouais. Voilà. Non, il n'y a pas de. On met pas l'orange en avant, à orange. Votre clientèle, bien sûr. Alors, à la fois, il y a les orangeoises et les orangeois, les touristes en général, les personnes de passage et les festivaliers. Ah, les festivaliers, je pense que c'est une place. Alors, c'est pas moi qui en ai fait la réputation, c'est Renato Buscaglia qui a créé le glacier, qui a fait la réputation des glaces et que moi j'ai pérennisé depuis 13 ans maintenant. Mais c'est un petit peu l'endroit incontournable pour les festivaliers de venir manger une glace. On va voir le spectacle et on mange une glace, chez vous. Ouais. Et on fait la queue pendant longtemps pour manger une glace. La file d'attente, ça peut être comment ? Je pense que là, on est quatre à servir. Je pense qu'il y a facilement une demi-heure de file d'attente. Une demi-heure de file d'attente ? Oui. Ouf. Ouais. Mais bon, on est content. À quatre. Les gens sont contents d'attendre. Bah, je sais pas, c'est un lieu social de rencontre aussi. Hein. C'est un peu express, mais bon, voilà, c'est comme ça. On fait pas tout parfaitement. Il y a des choses qu'on fait moins bien. Mm-hmm. On a aussi des défaillances. On est artisans et c'est ce qui fait que tout n'est pas toujours rectiligne et toujours. Ça, c'est pour un petit peu mettre une pointe un peu au râleur. Parce qu'on a aussi des clients encore à l'heure des fois. Alors, vous êtes, on peut dire, Xavier, vous êtes amoureux d'Orange depuis que vous y êtes Moi, j'aime bien tous les lieux. Je n'ose vous demander si vous avez eu des pépins ou pas. Non, des pépins d'Orange, non. Non, moi, je suis assez ouvert. Donc, tous les lieux où il y a un peu de culture, où on peut s'exprimer, on est libre un peu de penser, de vivre, voilà. Moi, non, je suis bien Orange, je suis pas par rapport à toute la polémique sur la circulation, sur le sens du vent, parce qu'on a du vent. La politique. La politique, tout ça. Monsieur le maire, c'est votre client aussi ? Oui, la mairie, oui, mon client. Ça me regarde pas, je fais mon métier avec passion, j'ai autre chose à faire que... Je suis positif comme garçon. Cette fois, vous êtes totalement sédentarisé. Totalement, Orange. Je ne serai jamais sédentarisé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'achète une maison. Donc, les commerces, c'est mon quatrième commerce qu'on a. Donc ça. Et vous êtes d'où alors Moi, je suis parisien. Voilà. Mais le jour de mon CAP, je suis parti en Bretagne. Voilà, j'ai passé mon CAP, le soir, j'étais dans le train pour la Bretagne. Et là, mon périple a commencé à travers trois continents, plusieurs îles, voilà. Des pays d'Europe, d'Asie et un petit peu de partout. Voilà, j'ai voyagé pendant 12 ans et après on s'est installé avec mon épouse petit à petit. Et voilà. Donc on a été dans le Vercors, en Ardèche, pour la France où on s'est installé et à Orange. Et à l'étranger alors dans notre... J'ai fait les îles françaises, Tahiti, La Réunion. Après j'ai fait la Nouvelle-Zélande, l'Australie. J'étais allé en Thaïlande, on est allé en Angleterre, en Espagne, en Suisse. On a fait l'Afrique aussi, mais là juste pour se promener. Et voilà. On a pas mal bougé. C'est ce qui fait qu'on a une ouverture gastronomique, parce que moi, même quand j'ai travaillé en Angleterre à faire des bread and butter pudding, j'ai trouvé ça intéressant. Tout l'art culinaire des gens, ça m'a toujours intéressé. Ouais. Tiens, si on parle de gastronomie, il y a un plat, il y a le plat qu'on déguste à Orange. Et justement, par son histoire cosmopolite, à part la cuisine provençale, il n'y a pas un plat typique d'Orange. Quelques collègues pâtissiers font des spécialités, des galettes à base d'amandes et d'orange, mais il n'y a pas une spécialité vraiment orangeoise. Comme à Montélimar ou à Aix. Si vous invitez des amis qui viennent d'ailleurs, vous leur cuisinez quoi alors? Les produits du coin. Voilà. Nous on cuisine toujours frais et local, mais voilà. Mais il n'y a pas. On ne dit pas si tu vas à Orange, tiens, tu dois absolument manger ça. Ouais. Non, je pense que c'est dû de son histoire, grâce à son histoire cosmopolite. Contrairement à ce qu'on pense, c'est un petit peu ouvert à toutes les cuisines, quoi, Orange. Ouais. Mais il n'y a pas le plat, par exemple, des familles orangeoises de souche. Je suis assez, voilà. Ouais. Je suis pas assez rentré dans le cœur des Orangeois pour connaître ça. Voilà. Mais à ma connaissance, non, il n'y a pas un plat. Quand on invite la famille le dimanche. Ouais. J'étais dans le Vercors, on faisait la poule au pot avec les ravioles. Mais ici, non, j'ai pas, il n'y a pas de plat. On fait la cuisine provençale. C'est avec Xavier Legrand que se termine cette seconde moitié d'Orange. Merci Xavier. Grand merci Rose Papalia, notre guide conférencier, et Paulin Reynard, directeur de production des Corégies. Réalisation Roman Feocchio. Merci Guillaume Offant, relations presse à l'Office du tourisme d'Orange. Des sites internet orange-tourisme.fr, corégie.fr et régaltendance.com. Une émission réalisée pour RCF Jéricho-Moselle.